Vous écoutez France Culture. Les lundis de l'histoire, Michel Perrault, bonjour. Le patrimoine, tel est le thème dont nous allons parler aujourd'hui avec Taline Termination et Daniel Fabre, éminents spécialistes du patrimoine et que je vais vous présenter dans un instant. Mais au fond, qu'est-ce que c'est le patrimoine? Au sens étymologique, au sens premier, héritage du père. Dans le dictionnaire, se dit des biens de famille, des biens que l'on a reçus par héritage de ses ascendants. Il y a donc une double idée d'accumulation et de transmission. Mais au sens large, c'est l'héritage des ancêtres, ceux d'une communauté ou d'une nation, et qui souvent les constitue. Ce sens collectif est aujourd'hui le plus usité. Les journées du patrimoine font courir les foules qui patientent longtemps pour pénétrer dans tel ou tel monument public ou privé, habituellement fermé. On peut même parler de « passion patrimoine », titre d'une célèbre émission de télévision vouée aux racines monumentales et paysagères de notre environnement, ainsi qu'aux pratiques de conservation et de restauration qui animent tant de petites communautés, provisoires ou permanentes. Et ce sens collectif, nous le verrons, ne date pas d'aujourd'hui. Mais pour commencer cette émission vouée au patrimoine, eh bien, allons avec Jaurès, eh oui, Jaurès au musée. Écoutons-le. Pour moi, je ne sais pas d'émotion plus belle, plus large, plus auguste et sacrée que celle qui saisit l'âme à certaines heures dans les grands musées où sont réunies toutes les œuvres. Rappelez-vous la tombée du jour et ces minutes indécises précédant le congé que nous signifie le gardien brutal. Rappelez-vous l'émotion qui s'empare de l'esprit devant tous ces chefs-d'œuvre assemblés et offerts à l'admiration de tous les hommes. On dirait un Olympe où il n'y a que des dieux emplissant l'espace sacré de leurs rêves. Cette citation, très intéressante, est tirée de Gilles Candard et Vincent Duclerc, Jean Jaurès, une biographie qui vient de paraître aux éditions Fayard. Tout y est, me semble-t-il, mais nous y reviendrons. Alors, de ce patrimoine, surtout collectif, des émotions, des conflits qu'il suscite, des entreprises, voire des politiques qu'il génère, nous allons parler avec mes invités. Taline Termination, vous êtes professeure à l'INALCO, co-directrice de l'Observatoire des États post-soviétiques. Vous avez publié beaucoup de livres, dont une monographie sur Erivan. Et votre livre aujourd'hui, collectif, s'appelle « Patrimoine et architecture dans les États post-soviétiques » et c'est paru en 2013 aux Presses universitaires de Rennes. Daniel Fabre, vous êtes anthropologue, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, directeur du LAIC, c'est-à-dire Laboratoire d'anthropologie et d'histoire de l'institution de la culture. On vous doit de très nombreuses études et enquêtes collectives, dont celle qui fait l'objet du présent livre. Émotion patrimoniale, qui est le cahier 27 de Ethnologie de la France, publié aux éditions de la Maison des sciences de l'homme, tout récemment, je crois, en 2014. Alors à tous les deux, je voudrais vous demander, avant qu'on entre dans l'économie de chacun de vos livres, au fond, qu'est-ce que vous avez voulu faire, vous, Taline Termination, avec ce livre? J'ai voulu appréhender un objet particulier donc, qui est le patrimoine, une construction politique, ethnologique, comme probablement l'expliquera Daniel Fabre, dans un espace spécifique qui est l'ancien empire soviétique, enfin les États post-soviétiques, que je considère un petit peu à la façon d'une archéologue comme une ère de civilisation spécifique. Et donc, il me semble, et justement la confrontation, le dialogue de nos deux ouvrages tentera de le montrer, que cette ère de civilisation spécifique entretient un rapport particulier avec les monuments, parce que tout le monde sait bien que l'Union soviétique était un régime très monumentomaniaque ou très statuomane, un petit peu d'ailleurs comme la République française à certains moments. Il me semble que Maurice Agulon a des formules très intéressantes à ce sujet. La statuomanie, mais justement l'Union soviétique était aussi un régime tout à fait statuomaniaque. Et donc dans cette ère de civilisation qui a tant détruit de patrimoine, notamment religieux, à certaines périodes de son histoire, notamment dans les années 20 après la Révolution, il s'est développé finalement au fil des décennies un rapport qui, me semble-t-il, est un petit peu particulier avec ce même patrimoine qu'on se met à reconstruire ou à ne pas reconstruire d'ailleurs, mais enfin, où il s'établit des sortes de rapports différenciés du patrimoine, notamment selon les différentes nationalités et les républiques concernées, et aussi à partir des années 60-70, dans le rapport que ces mêmes nationalités entretiennent avec le centre de cet empire qui est Moscou. Donc, ça soulève une foule de problèmes que, naturellement, ce livre ne peut pas couvrir de manière exhaustive, mais j'ai tenté, avec quelques auteurs rassemblés au cours de deux journées d'études qui ont eu lieu à l'INALCO en 2011, de commencer à tout simplement explorer ce vaste domaine et à poser quelques questions. On va y revenir plus en détail. Daniel Fabre, vous, qu'est-ce que vous avez voulu faire avec ce livre « Émotions patrimoniales » ? Émotions patrimoniales, c'est le résultat d'un long travail collectif, en fait, qui a commencé il y a une douzaine d'années, 12-13 ans. Et l'idée, c'était au fond d'interroger, d'analyser, ou au moins de décrire, ces situations un peu bizarres où les gens se mobilisent avec une énergie folle, parfois, pour sauvegarder ce qui peut apparaître à l'expert comme de valeurs assez relatives. Donc ce sont d'abord les mobilisations qui m'ont intéressé. À l'époque, enfin, je dirigeais un laboratoire à Toulouse et j'avais sous mes fenêtres enfin, les défilés pour ne pas dérestaurer Saint-Cernin, qui avait été restauré par le grand Viollet-le-Duc au XIXe siècle. C'est une histoire de lucarne, oui, presque. Oui, ce sont effectivement des ouvertures qui éclairent la nef. Et Viollet-le-Duc leur avait donné la forme de losange. Et le nouvel architecte, sans doute très documenté et très sûr de lui, avait décidé qu'elle devait avoir une forme romane. Et Toulouse s'est enflammée pour ça. Une pétition de 17 000 signature, occupation de l'église, etc. C'est-à-dire, je prenais le mot émotion dans le sens du XVIIIe siècle, au fond, hein, c'est-à-dire le surgissement inattendu d'une mobilisation qu'on peut qualifier de populaire, dans le sens où elle rassemble des gens de toute origine sociale. Et donc, c'est cette cristallisation qui nous a intéressés. Oui, on va revenir sur différentes émotions patrimoniales, mais d'abord, une question. Est-ce que ça date d'aujourd'hui ? Parce que votre livre est centré sur, au fond, le moment plutôt présent de l'émotion patrimoniale. Mais est-ce que ça date d'aujourd'hui ? De quand date un petit peu cela dans l'histoire ? Alors, c'est une question très difficile, en fait. On a tenté d'y répondre, hein. C'est en analysant des émotions de la Troisième République, hein. La vente de l'Angélus de Millet, l'enlèvement, enfin, le vol de la Joconde. Puisque vous en parlez, racontez-nous ça. Votre livre, comme celui de Thalie de Termination, est fait de nombreux exemples. Oui. Chacun de ces exemples est très vivant. L'affaire de l'Angélus de Millet et l'affaire de la Joconde, au fond, qui ont été toutes deux étudiées par Frédéric Maguet, sont très intéressantes parce que, me semble-t-il, elles permettent d'assister au passage insensible d'un registre de la production des valeurs qui est nettement national à un registre que j'appellerais patrimonial. C'est-à-dire, ils nous font saisir ce glissement. Et si, et vous le remarquez très justement, les cas que nous analysons en profondeur sont plutôt dans notre présent, c'est que je crois que le régime patrimonial du rapport au passé est une invention de notre modernité, mais notre modernité la plus chaude, hein, notre présent le plus proche. Et je milite pour une définition du patrimoine qui ne serait pas ahistorique. Hein, j'aurais du mal à parler de patrimoine pour la Renaissance, par exemple, ou même le XVIIe siècle. Hein, ça me paraît une construction très, très, très moderne. Et dans cette construction, effectivement, l'engagement émotionnel est décisif. L'engagement émotionnel qui monte de la base sur des objets qui ne sont pas nécessairement des objets élus, des objets définis par l'expertise extérieure et dominante. Ça, c'est un critère hein, de l'entrée dans un régime patrimonial. Oui, et vous parlez de nouveau régime patrimonial, voilà. C'est une expression dont je voulais juste compléter cela. L'entrée dans le nouveau régime patrimonial, ça semble quand même correspondre avec l'ère de la globalisation. Est-ce que je me trompe ? Je ne sais pas très bien comment où est-ce que vous le situez, mais en tout cas, un nouveau régime patrimonial qui semble correspondre aussi à l'achèvement, à la fin de l'ère des États-nations. Est-ce que c'est une confusion ? Je ne sais pas. Là, vous mettez le doigt sur quelque chose de très juste. Hein. Je pense que pendant un siècle et demi, disons, hein, la nation a été le lieu où la désignation des objets valeurs offerts au partage, à l'admiration, était produite. Alors, la citation de Jaurès est très intéressante, parce que lui, il ne parle pas de nation, au fond, il parle de l'humanité. Hein, ce qui est sa jouissance de visiteur des musées au crépuscule, hein, quand la nuit tombe, c'est la jouissance des trésor qu'a pu produire le génie humain. Ce qui est une opposition, je dois dire, assez exceptionnelle, dans la mesure où chez lui, elle n'est pas rhétorique. Mais la Révolution française jouait beaucoup sur les deux registres, hein, sur à la fois le national et l'universel. Et en ce sens, Jaurès, évidemment, renvoie à cette dimension hein, de la proposition révolutionnaire. Alors justement, avant d'entrer dans les émotions patrimoniales qui caractérisent notre modernité, au fond, il me semble que c'est un petit peu votre cas tous les deux, il y a un autre sens avant, qui est le patrimoine national. Mmh. Et comme vous venez de le dire à l'instant, qui est davantage une production. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des émotions ? Par exemple, si on prend la Révolution française, le vandalisme. Oui. Hein ? Alors, peut-être faut-il rappeler qu'est-ce que c'était ça ? Oui, c'est tout à fait central, en fait. Oui. Et ça a été très bien étudié par Dominique Poulot, par exemple. Voilà. Oui. On voit bien comment le vandalisme, c'est à la fois la suppression des traces visibles de l'Ancien Régime, hein, et c'est une suppression qui n'a pas simplement une intention punitive ou vindicative. C'est pour ne pas offusquer le peuple hein, dans son nouvel État hein, républicain. Donc, on élimine. Mais éliminer a un revers positif. Éliminer, c'est n'importe aussi quoi, sélectionner. C'est-à-dire, c'est exposer, enfin se donner un programme qui est un programme tout à fait positif. C'est une sélection. Alors, ce qui se passe avec le vandalisme, c'est qu'il va être constamment réévoqué jusque dans notre présent, hein, très, très, très, très proche, comme le spectre du déchaînement à la fois obscurantiste et populaire contre les chefs-d'œuvre dont on ne voit pas la beauté ou la valeur historique. Alors ça, c'est assez manipulatoire, je trouve. Hein, ce spectre du vandalisme me semble effectivement ignorer hein, l'autre dimension supprimée pour exalter. Et d'ailleurs, la Révolution française a créé toutes les grandes institutions de conservation, que ce soit du livre, des archives, les monuments français. Et les monuments. Oui. Hein, le musée de Lenoir, le musée des monuments français, est véritablement un musée révolutionnaire. Et non contre-révolutionnaire. Mais il s'appuie nécessairement sur cette activité de sélection qui était une activité en plus très capillaire, enfin très diffuse, hein, de toute petite municipalité se charger de faire le tri entre le, je dirais, le révolu et l'avenir. Oui. Puisque, oui, le jeu, c'est ça. Tallinn, oui, naturellement. Est-ce qu'il n'y a pas la même chose, un petit peu la Russie passé, révolutionnaire est évidemment riche d'événements qui illustrent cette politique de vandalisme, bien entendu, puisque le régime soviétique a détruit, dans le courant des années 20, au moment de la campagne en faveur de l'athéisme, énormément d'édifices religieux. L'exemple le plus emblématique concernant les questions patrimoniales qui me vient à l'esprit, c'est la cathédrale du Christ Sauveur à Moscou, qui a été donc détruite par les bolcheviks, qui ensuite ont lancé un concours d'architecture très connu pour édifier là un monumental palais des soviets dont l'une des variantes aurait dû supporter la plus haute statue de Lénine, enfin la plus haute statue de Lénine forcément au monde, des projets totalement, totalement fous, donc le fameux palais des soviets qui finalement n'a jamais été réalisé. À la place de à cet endroit, donc il est resté demeuré un trou dans lequel finalement on a installé une piscine. Et finalement, donc c'est une piscine qui était très très fréquentée par les moscovites. Et puis finalement, à l'époque post-soviétique, cette cathédrale du Christ Sauveur a été entièrement reconstruite à l'identique. Il s'agissait d'un édifice immense, édifié au XIXe siècle, entièrement à l'identique cette nouvelle cathédrale du Christ Sauveur. Donc ça montre un petit peu le fil des politiques de destruction, de vandalisme, puis de reconstruction patrimoniale post-soviétique. Ça, c'est un fil qui me semble très, très intéressant à suivre. Très, très important. Mais pour revenir à notre vieille France, si l'on peut dire, on voit bien que la Révolution française, donc, choisie. Ensuite, il y a plutôt une réaction romantique, le désir de préserver avec toute cette politique, on va citer Mérimée, enfin c'est un peu bateau, mais c'est quand même très important. Et vous citez des textes de Victor Hugo, qui lui-même est pour récupérer Notre-Dame de Paris, etc., etc., et qui par moments frémit. Vous avez un texte formidable sur ce que c'est que conserver. Ah oui. Conserver quoi ? Conserver tout ? Conserver quelle chose ? Enfin, Oui. Hugo est passionnant. Daniel Fabre. Hugo, il est contradictoire, en fait. Oui. Hein, c'est-à-dire que très jeune, il lance son cri d'alarme, halte aux démolisseurs, dans des textes fameux. Et en fait, toute sa vie, il est aux prises avec ce désir de rendre présents les témoins de l'histoire, les restituer au peuple. Et en même temps, il est quasiment angoissé devant la nécessité de choisir que va-t-on conserver, enfin, le boudoir du cardinal Dubois, le cadavre dans le placard. Non, conserver tout, ça lui paraît évidemment une utopie dangereuse. Et alors, la solution qu'il trouve, au fond, c'est de se conserver lui-même. Puisque chose vue. Eh oui. Et puis Hugo est le seul et le premier écrivain à avoir conservé et fait conserver par ses secrétaires l'intégralité de ce qu'il a écrit, qu'il voyageait avec d'ailleurs. Hein. Il avait une de ces armoires hautes qu'on appelle parfois un homme debout. L'expression me plaît parce que c'était son corps idéal. Enfin, c'était le second corps de l'écrivain. Et il a déménagé en Belgique, à Guernesey, jusqu'à sa mort. Et puis c'est lui qui décide surtout de léguer à la Bibliothèque nationale l'intégrale future esquisse de la future bibliothèque des États-Unis d'Europe, l'intégralité de son corps d'écriture. Et ça, c'est un geste qui est très, très, qui résout en quelque façon. Oui, c'est extraordinaire. Qui résout en quelque façon la question du choix. Et qui aura bien sûr une postérité, parce que comme vous savez, au fond, en France aujourd'hui, une zone là qui est en train de naître de débat sur le patrimoine, c'est la question des corps d'écriture de l'écrivain. Oui, absolument. Ça devient absolument central. Et c'est bien pour cela qu'un ministre de la Culture récent a créé la notion de trésor national, qui est un terme sur lequel il faudrait d'ailleurs longuement gloser, et qui permet à des particuliers, en particulier à des entreprises, d'abonder un fonds de mécénat pour conserver en France des textes, dont par exemple les archives de Michel Foucault, qui auraient très bien pu passer sur le marché, et qui sont maintenant à la BNF. Oui. Et alors là, on voit, c'est en train, c'est en train de se diffuser, il n'y a pas de semaine où n'apparaît quelque chose qui fait débat autour de cette conservation patrimoniale. Et là, vous voyez, la nation revient. C'est intéressant. Ça. Oui, absolument. Mais vous avez fait beaucoup, vous, Daniel Fab, justement, pour la reconnaissance des écritures ordinaires, comme on dit. Et je pense à quelqu'un qui travaille avec vous, avec moi aussi, Philippe Artière, qui a beaucoup écrit là-dessus. Et je pense aussi à Philippe Lejeune. Bien sûr. Philippe Lejeune qui a créé à Ambérieu-en-Bugey, l'association pour le patrimoine, patrimoine autobiographique. Philippe utilise le mot patrimoine, et d'ailleurs, c'était très intéressant. J'avais un peu accompagné les débuts de la naissance de cette association, début des années 90. Et Lejeune avait d'abord proposé aux Archives nationales de recueillir cet ensemble d'écrits ordinaire, enfin, de gens qui tiennent leurs journaux, qui racontent leur vie. Et en réalité, il avait été très déçu. On lui proposait de mettre tout ça dans une série, la série 2J, documents entrés par voie exceptionnelle. Et ses autobiographes étaient engloutis dans la marée des écrits qui émanaient de l'administration de l'État. Et c'est pour cela qu'il avait créé l'association, qui, elle, alors, est une association des auteurs et des lecteurs. Et ce qui est évidemment tout autre chose. Oui, et à l'heure actuelle, il y a près de 4000, je crois, documents qui sont des autobiographies ou des journaux intimes ou des correspondances. C'est un fonds absolument incroyable pour... j'allais dire l'histoire contemporaine, un véritable patrimoine. Mais question à vous, Taline, est-ce que quelque chose d'analogue existe en Russie actuellement? Est-ce que en matière d'autobiographie, par exemple, j'imagine que non, on se devait se méfier un peu de l'écriture privée. Je pense que vous vous trompez. D'abord, je voudrais citer un ouvrage qui vient de sortir en langue française et qui est très certainement passionnant pour nos auditeurs et qui finalement a un rapport avec les questions que nous évoquons aujourd'hui. C'est l'ouvrage de Svetlana Alexievitch qui s'appelle « La fin de l'homme rouge » et qui est justement une compilation absolument extraordinaire de récits autobiographiques enregistrés par une journaliste de grand talent et qui décrit justement formidable. Ce que ça peut signifier. La chute de l'Union soviétique et la fin de cet homme rouge. Et ça a bien sûr un rapport avec la question patrimoniale. Sur l'autobiographie, je voudrais citer quand même un autre élément important, c'est que l'autobiographie était un exercice obligatoire, au moins pour le cadre du Parti communiste. Pas qu'on manque d'autobiographie, c'est qu'au contraire, les archives en regorgent. C'était un exercice obligatoire. Dans quelle mesure était-il sincère? C'est vraiment toute la question que peuvent se poser les historiens. Mais on a ce genre de choses dans les archives, bien entendu, plus ou moins développées selon l'identité de l'impétrant. Mais par exemple, on a beaucoup d'autobiographies de ce qu'on appelle les vieux révolutionnaires, les vieux bolcheviques, par exemple, qui sont des récits de révolution, bien sûr, évidemment, axés dans un dans un sens que le rédacteur juge conforme à la politique du moment. Donc oui, l'autobiographie, c'est un domaine à part entière en ce qui concerne l'histoire soviétique. Et d'ailleurs, à l'INALCO, nous avons une équipe qui s'occupe de ça, de l'histoire de soi, de l'autobiographie. Mais ce sont plutôt les littéraires qui, chez nous, travaillent sur ces sujets. Mais c'est un nouvel objet patrimonial. Oui. Et ça, l'écriture comme objet patrimonial, ça, c'est vraiment quelque chose de passionnant. Mais avant de quitter la vieille période, au début, c'était plutôt monumental. D'ailleurs, vous le dites tous les deux, et chez vous, Taline, le monument est quand même très, très important. Et vous citez beaucoup un auteur, Riegel, je crois. J'aimerais que vous disiez un petit mot de ça. Riegel est un personnage... Vous citez tous les deux. C'est un personnage fascinant, avec qui j'ai vécu, disons, quelque temps à lire ses ouvrages, parce que en fait, il écrit un petit texte court, le culte moderne des monuments, la veille de sa mort. Il meurt assez jeune, mais c'est un conservateur de musée à Vienne, grand spécialiste et de l'art antique romain. Le portrait de groupe, il a fait un grand livre sur le portrait de groupe dans l'art romantique, mais aussi curieusement du tapis oriental. Et c'est le gouvernement de l'Autriche-Hongrie qui lui demande de faire un rapport sur les monuments. Et il fait un rapport très original. C'est un livre de visionnaire, c'est un livre très viennois à beaucoup d'égards. C'est la Vienne d'avant 14, c'est la Vienne de Freud, c'est la Vienne de Musil. Et il voit quelque chose, il saisit quelque chose qu'il appelle le culte démocratique des monuments. Il dit le monument, c'est intentionnel, bien sûr, c'est un usage commémoratif. C'est le résultat d'une sélection historique, c'est-à-dire aujourd'hui, nous décidons que tel monument est un bon témoin de l'histoire, donc il faut le conserver. Mais il dit, mais il y a un troisième plan d'appréhension des monuments, qu'il appelle le sentiment d'ancienneté. Alors ça, l'émotion est là. Et c'est au fond l'adoption par les gens d'éléments du cadre de vie qui deviennent des espaces d'inscription identitaire. C'est-à-dire l'établissement d'un rapport entre soi et un espace visible, mais qui pourrait être aussi élargi. On parlait d'écriture, c'est-à-dire, il y a tout un tas d'éléments de notre cadre de vie ou de notre expérience qui peuvent être élus et auxquels on peut être collectivement et individuellement attaché. Par exemple, un paysage. Un paysage. Ne pas modifier un paysage parce que ça appartient à tous. Et Riegel a eu ce génie et il appelle ça culte démocratique des monuments. Culte moderne. Et moderne. Oui, culte moderne. Taline, vous aussi. Alors, vous moi, je me suis énormément inspirée d'Aloïs Riegel, qui est la première lecture que je propose à nos étudiants dans notre séminaire qui a lieu avec Jean-Yves Vandrieux, qui s'intitule Patrimoine et politique mémorielle. Donc, c'est vraiment la première lecture que je conseille. Et Riegel, bien entendu, je m'en sers tout le temps. D'ailleurs, pour l'une de ces journées d'études, j'avais paraphrasé le titre de Riegel en parlant de culte postmoderne des monuments en Union soviétique. Donc, c'est effectivement ces trois valeurs, la valeur historique, la valeur d'ancienneté, la catégorie, j'ai maintenant oublié la troisième catégorie, commémorative, sont tout à fait, sont des valeurs tout à fait opératoires pour s'intéresser aux monuments et au patrimoine soviétique, avec ce constat que, justement, dans la civilisation soviétique, on tolère assez mal la ruine. Je me suis rendu compte de cela, d'ailleurs, de quelques contributions, il l'illustre dans l'ouvrage. Il y a finalement, un petit peu comme dans la France du 19e siècle, cette intention de reconstruire les monuments à l'identique dans un état d'origine qui est en fait lui aussi virtuel et peut-être imaginaire. Et on tolère assez mal la ruine. Et donc j'ai l'impression que c'est parce qu'il y a justement dans l'Union soviétique une espèce de confusion des valeurs. C'est-à-dire qu'on confond le monument intentionnel, par exemple, un monument à la Seconde Guerre mondiale, il y en avait dans toute l'URSS, ou des statues de Lénine, par exemple. Donc ce monument intentionnel, comme dit Riegel, postule l'éternel présent. On doit l'entretenir, il ne peut pas toléré d'être décati, si on peut dire. Et donc, il faut l'astiquer, le reluire, etc. Et justement, ces monuments historiques qui sont restaurés à l'identique et auxquels on va chercher à donner un aspect neuf et qui, eux aussi, vont donc répondre à cet éternel présent. Et donc, c'est finalement, la valeur historique semble... semble s'effacer ou ne pas exister. Au moins, dans un certain nombre d'exemples, en tout cas dans l'ouvrage livre, que j'ai dirigé, illustrent cette tendance. Oui, tout à fait. Voilà. Oui. Daniel Fabre, on parlait des ruines. Vous dites beaucoup de choses sur les ruines aussi, les cultes des ruines. Qu'est-ce que c'est qu'une ruine? Qu'est-ce qu'on fait avec une ruine? Voilà, c'est un grand débat. Oui. C'est un grand débat au XIXe siècle, bien sûr. Hein. C'est le deux grands penseurs du monument... Viollet-le-Duc en France et Ruskin en Angleterre s'opposent là-dessus. Hein. Mais encore. Mais alors, pour Viollet-le-Duc, dans une intention pédagogique et très suivie en Union soviétique, il s'agit de rétablir les monuments non dans leur réalité archéologique, mais y compris dans un état... idéal qui n'a peut-être jamais existé. C'est formidable. Hein. C'est vraiment une opération de création du passé. Et Ruskin dit, mais c'est terrible parce qu'on a l'impression non d'être dans... Mais Ruskin, précédé par Henry James, par Stendhal, Taine, etc., qui visitent la cité de Carcassonne et sont affligés par le projet et surtout par la réalisation finale de Viollet-le-Duc. Et la ruine, effectivement, c'est l'appréhension directe du temps qui passe. Mais en même temps, c'est très paradoxal parce qu'une ruine... ben ça s'efface nécessairement si on laisse le temps se poursuivre. La ruine donc, de la ruine. En étant et voilà et on est obligé donc de maintenir la ruine en état de ruine, hein, dans une espèce d'état idéal. Alors là il y a un exemple magnifique et c'est celui d'Oradour. Oui. Celui d'Oradour c'est comment tout un... comment voilà. Conserver Oradour. Voilà. Ouais. Mais Oradour la loi qui en 45 décide de conserver Oradour pour l'éternité. C'est dans le texte de loi. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Mais l'éternité est loin des possibilités humaines. Et donc, Oradour s'était transformé quasiment en un écomusée villageois français du milieu du XIXe siècle. C'était le seul village, finalement. Et au point que par une réaction très intéressante, les gens avaient commencé à le patrimonialiser. Vous savez, on avait mis des petites pancartes, maison de la couturière, atelier du forgeron. C'est incroyable, alors qu'un massacre horrible avait exigé, au fond, hein, cet acte solennel de fixation intentionnelle dans la mémoire. Pour que cela ne se reproduise plus. Hein, c'était le discours de De Gaulle à Oradour, c'était la phrase clé. Et puis, en réalité, qu'est-ce que vous voulez, les fleurs poussent, les ruines se couvrent de mousse, enfin, tout ça devient bucolique. Et il a fallu une réaction très vive, d'ailleurs initiée par François Mitterrand, pour qu'on décide que les promenades du dimanche à Oradour devaient passer par un centre d'interprétation sas obligatoire où l'histoire, l'événement de l'histoire était proposé, y compris dans sa violence, à tous les visiteurs. Donc on a là une tension qui me paraît d'ailleurs très intéressante. Très intéressante. Entre ce qu'on pourrait appeler le destin de la ruine et du patrimoine, hein, qui est un destin qui penche vers la nostalgie et la conscience historique. Absolument. Mémoire et histoire. Ouais. Mais je dirais même mémoire oui. C'est encore plus radical, parce que le patrimoine, c'est du passé sensible. C'est-à-dire, c'est même pas une affaire de mémoire, puisqu'au fond, la mémoire n'en est qu'un élément. Hein. Les gens vivent le patrimoine comme un exotisme du passé. C'est-à-dire, ceux qui font les chemins de Saint-Jacques, par exemple, leur problème, c'est d'absorber le passé, de marcher dans le passé, d'être fatigué sur les lieux mêmes où les pèlerins se fatiguaient. Et puis éventuellement, à la halte, ils pourront faire un repas médiéval, écouter de la musique d'époque, etc. C'est-à-dire, c'est une forme très contemporaine de rapport au passé qui désoriente les historiens, et qui, à mon sens, il ne suffit pas de faire comme l'a fait avec perspicacité Pierre Nora, temps de l'histoire, temps de la mémoire. Oui, oui. Mais c'est au-delà du temps de la mémoire. Hein. C'est un rapport au passé qui a en fait une expérience compacte. Oui, c'est un rapport d'expérience. C'est ça. D'abord un rapport d'expérience. Oui. Dans la question de la chronologie, des séries causales, de la contextualisation, tout ça s'efface devant une absorption du passé par tous les sens, en plus. Hein. Oui. C'est à la fois la vue, mais c'est la totalité du corps qui est mise en présence du passé. Alors, à mon avis, le patrimoine tend à ça. Tend à ça aujourd'hui, oui. Ah. Oui. Mais les grands livres de Pierre Nora, les lieux de mémoire, on a le sentiment, en vous écoutant particulièrement ce matin, que ça correspond plus au sens 19e siècle hein, du patrimoine lié à la nation, lié peut-être même à l'État, même si les gens peuvent communier là-dedans. Et d'une certaine manière, peut-être c'est ce sens-là qu'on retrouve davantage chez vous. Chez moi, dans les États fossiles, c'est très 19e siècle. Ça se... On reproduit le schéma de l'invention du patrimoine tel qu'il s'est opéré quelque part entre la fin du 18e et le 19e français. C'est ça. Mais enfin, en réalité, il faudrait faire une typologie plus fine parce que toutes les nations de l'espace soviétique et post-soviétique ne sont pas non plus au même stade de maturité. De maturité en ce qui concerne tout simplement l'idée nationale, maturité de l'idée même d'État-nation. Et justement, le patrimoine est un genre de curseur. Juste pour voir, il y a des nations pour lesquelles l'idée patrimoniale est forgée déjà depuis le 19e siècle. Là, on rentre évidemment dans une chronologie qui est concordante avec finalement les États d'Europe occidentale ou plus exactement les États de l'Europe balkanique, par exemple. Et puis d'autres qui sont des États-nations tellement récemment construits que finalement les questions patrimoniales deviennent, nous semblent en tout cas, peut-être un peu excessives, outrées, démesurées. Là, ce que j'ai à l'esprit, ce sont plutôt la manière dont, par exemple, l'architecture contemporaine post-soviétique peut, par exemple, réintégrer des formes vernaculaires comme la yourte, par exemple. Il existe maintenant des yourtes yourtes architecturales postmodernes dans les villes d'Asie centrale, comme la néo-capitale du Kazakhstan, comme Astana, etc. Donc on a des formes étranges et qui font. On verrait naître une émotion patrimoniale là quelquefois. On tente d'utiliser le vernaculaire. C'est un processus constant. Oui, je voulais vous demander, Daniel Fabre, d'ailleurs, quelle place vous faites dans l'histoire de la notion de patrimoine à tout ce qui a été l'ethnologie des arts et traditions populaires, de ces choses qui datent presque du 19e et qui se sont un peu cristallisées entre les deux guerres. En France, ça n'a pas une place centrale dans l'identification nationale. C'est beaucoup plus important, bien sûr, par exemple en Europe orientale. C'est même tout à fait décisif. Je me souviens, j'étais à Bucarest dans les années qui ont suivi la chute de Ceausescu. Et l'un des premiers actes du gouvernement, appuyé par les intellectuels, par une demande intellectuelle, a été de créer un musée du paysan roumain, et qui était un musée d'art et tradition populaire, mais un musée d'art et tradition populaire réinterprété, parce qu'il y avait là l'auteur de ce musée était en fait un artiste qui avait beaucoup vécu à Paris, et qui était un artiste brillant, hein, que j'ai fréquenté, que j'ai connu. Mais alors, ils ont installé ce musée à la place du musée du Parti communiste, à Bucarest. Et il y a eu un acte, je dirais, de transfert, de passation incroyable. Et je m'en veux encore d'avoir ri devant les photographies que mes collègues roumains m'ont montrées, mais c'était irrépressible. Ils ont mis toutes les statues dans le sous-sol. Et c'est un pop qui est venu exorciser les statues de l'Ancien Régime. Mmh. Et on a mis à la place ce musée, étonnant d'ailleurs, hein, très intéressant, à la fois art et tradition populaire, mais des arts et traditions populaires qui étaient inscrits dans la modernité. En France, ça n'a jamais marché. En réalité, la France ne s'est jamais identifiée à ses traditions populaires. La France est identifiée. Vous pensez ça ? Vous pensez ? Oui. La France s'est identifiée à sa littérature. Oui. Elle s'est identifiée à son histoire. Mais les traditions populaires ont toujours eu, d'ailleurs, aucun musée des arts et traditions populaires n'a vécu plus de 30 ans en France. Exemple, le transfert à Marseille, le MUCEM. Le MUCEM qui en réalité gère et renie à la fois l'héritage. Donc, le Trocadéro, qui était né en 78, a vécu 30 ans. Enfin, c'est comme ça, quoi. Donc, mais en revanche, alors, dans les États, je pense en particulier aux États du socialisme réel de l'Europe orientale, c'est très important. Et d'ailleurs, on assiste aujourd'hui à quelque chose de très intéressant, c'est que l'UNESCO vient de créer, a créé en 2003, la catégorie de patrimoine culturel immatériel. Et parmi les premiers signataires de cette convention de l'UNESCO, alors l'immatériel, ce sont les fêtes, les danses, les chansons, tous les rituels populaires, les savoir-faire artisanaux, la cuisine, etc. Le patrimoine français. Et tous les États d'Europe de l'Est, ainsi que les États africains et les États de l'Extrême-Orient, ont tous signé les premiers. Oui. Parce que le folklore était effectivement un des vecteurs de la nationalisation de la culture. Oui, vous êtes d'accord, Taline, vous êtes d'accord? Sauf que, alors là, ça viendra donc encore une fois complexifier le champ patrimonial de l'ex-URSS, parce qu'il se trouve que le folklore et les traditions populaires faisaient partie de ce qu'on appelait la politique soviétique des nationalités. Donc ça a été tout à fait favorisé à l'époque de Staline et même après. Il y avait d'abord ce type de musée dans les districts et toutes les régions des républiques ou des districts autonomes de l'Union soviétique, et visait bien entendu à montrer qu'en URSS, chaque peuple avait droit à sa culture. C'était le fameux slogan de Staline, une culture nationale par la forme et socialiste dans le contenu. Donc, le contenu était partout le même, mais la forme était différente du point de vue linguistique ou folklorique, les danses folkloriques, tout ça. Enfin, c'était bien sûr promu de façon tout à fait appuyée à l'époque soviétique. Consciente. Donc là, on rencontre un autre organisé. Oui. Et d'ailleurs, là... Daniel Fabre. Pour ce qui est, par exemple, je sais pas, de la Roumanie, la Bulgarie, l'enthousiasme pour le patrimoine culturel et immatériel est en fait une forme de rachat de ce que vous dites. Hein, le fait qu'une certaine culture officielle, qui donc était connotée en tout à fait ancien régime, retrouve enfin une certaine innocence en entrant dans cette catégorie politiquement très correcte, d'ailleurs, hein, parce qu'elle a été créée pour compenser l'absence de monuments dans les pays du Sud, particulier en Afrique. On peut dire que l'UNESCO se soviétise. L'UNESCO se soviétise. Ah non, c'est un phénomène très, très intéressant. Alors, ça, c'est encore un autre phénomène, mais c'est vrai. Je voulais simplement faire référence à ce que disait Daniel Fabre il y a un instant à propos des statues de l'époque communiste en Roumanie. Dire simplement que dans l'ouvrage que j'ai dirigé, il est énormément question de ce qu'on pourrait appeler le patrimoine soviétique, c'est-à-dire toute la question du legs de cet empire et ce qu'on en fait en fonction du lieu où on se trouve. Par exemple, je vais donner simplement l'exemple de la Géorgie à l'époque de Saakashvili. Saakashvili avait pour ambition de faire disparaître de la Géorgie toute trace, disait-il, de l'époque soviétique. Et joignant le geste à la parole, il a fait sauter un certain nombre de monuments, dont un monument à la Seconde Guerre mondiale mondiale en le dynamitant, et je crois d'ailleurs que ça a fait quelques victimes. Donc l'Union soviétique dans certains, enfin le legs soviétique dans certains cas peut susciter à son tour une autre forme de vandalisme dès lors que l'État en question s'identifie au camp occidental, refuse l'époque soviétique. Dans d'autres cas, par exemple, on constate que ces statues sont toujours dressées. Les statues de Lénine dans les villes de province en Russie sont toujours là. Ils sont toujours là. Donc oui, là, il y a... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que donc en Russie, bien sûr, Lénine et le legs soviétique s'identifient tout simplement à la patrie. Il y a la notion de patriotisme soviétique qui existe encore, avec tout ce que cela a de complexe à définir, s'agissant justement de l'identité russe. Mais dans d'autres cas, on rejette ce legs sculptural ou architectural. Les questions d'exorcisme de statues m'intéressent beaucoup, parce que j'ai l'impression qu'en effet, dans cette civilisation soviétique où on a cherché finalement à élaborer une religion séculière, bon, la religion de Lénine, etc., on accorde un pouvoir magique à ces statues. En effet, en 91, certaines d'entre elles ont été décapitées. Il y a eu des espèces de cérémonies qui sont d'ailleurs des objets d'étude pour les ethnologues. Donc, il y a là un champ d'exploration tout à fait passionnant. Oui, et ce qui est tout à fait intéressant dans votre livre, c'est à la fois le politique et l'émotion, enfin, on n'en est pas au même stade encore, mais on voit un petit peu les choses monter. Ah, mais il y a eu, par exemple, en Arménie, des mobilisations pour la défense d'un piédestal, d'une statue de Lénine. Alors, Lénine n'était plus là, parce que lui, enlevé de son socle. Mais alors, il y a eu aussi des mobilisations patrimoniales pour le socle et le piédestal, sachant qu'un piédestal sans statue, c'est quelque chose d'assez dangereux finalement, parce que c'est... Ah oui, qu'est-ce que ça veut dire? On peut mettre autre chose dessus. On peut mettre autre chose. Donc finalement, le piédestal a lui aussi été détruit en dépit des émotions patrimoniales qu'il avait suscitées. Absolument. Donc, mais c'est très compliqué. Daniel Fabre, vous montrez bien dans votre livre que autour de tout cela, il y a à la fois des transports, l'émotion, et puis aussi des disputes. On n'est pas d'accord. Et vous examinez 5 opérations, on ne va pas pouvoir les suivre toutes bien sûr, désigner, classifier, conserver, restaurer, publiciser. Alors, sur laquelle de ces opérations auriez-vous? Restaurer, c'est très intéressant, je trouve. Oui. Ben, Viollet-le-Duc nous met un peu sur la voie. Oui, tout à fait. Viollet-le-Duc nous met un peu sur la voie. Ça, c'est la partie centrale, enfin... de la réflexion, c'est-à-dire que le nouveau régime patrimonial suppose la dispute. Il suppose la dispute. Oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans le schéma parfaitement illustré par le 19e siècle. Hein, on revient à Mérimée. Au fond, le modèle, c'était Mérimée, homme éclairé, mais qui apprenait en faisant, en réalité, hein. Mais qui était devenu très vite un spécialiste. Il débarquait dans un lieu, par exemple à Vézelay, et il expliquait aux gens du pays, vous avez un trésor et vous ne le savez pas, hein, vous l'ignorez. Et donc, les lumières du savoir et de l'intelligence élisaient, en quelque façon, dans le territoire de la France, les objets valeurs. Et puis, quand il le fallait, on évacuait les gens. Hein, on vidait les arènes d'Arles, de Nîmes. Pour les restaurer. Et il y avait des prolétaires, là, qui vivaient. Oui. Là, et des dizaines de familles. Bien sûr. Et puis, ça créait aucune émotion. En fait, les gens étaient forcés de partir. C'est tout. Et l'État imposait, de façon qui n'était même pas négociée, imposait cet ordre. Et on restaurait. On recréait. Alors, ici, le débat est très intéressant parce que aujourd'hui, bien sûr, on ne peut plus faire comme ça. C'est quelque chose qui est totalement impossible. De même qu'il serait aujourd'hui impossible d'abattre les Halles de Baltard comme on l'a fait en 71. Comme on l'a fait en 1971. Oui. Et tout ce qui paraît sur les Halles de Baltar, j'ai vu un roman très récemment sur le sujet, traite de cette période qui était celle de la présidence de Georges Pompidou comme une période de haut vandalisme. De même, d'ailleurs, les installations industrielles du 13e, c'est quelque chose qui aujourd'hui serait totalement impensable. C'est là qu'on voit d'ailleurs le passage dans un âge patrimonial. Alors, l'État serait forcé, contraint et forcé, à une énorme compensation culturelle pour faire admettre une telle modification du paysage urbain. Oui, ce qui est très intéressant à propos de ce que vous dites sur Pompidou, c'est que des créations de Pompidou pourraient maintenant être revendiquées comme patrimoniales. Je pense au Centre Beaubourg. Elles le sont, d'ailleurs. Elles le sont, absolument. Oui. Une dernière chose avant de quitter toutes ces données très importantes que vous donnez. La restauration, moi j'étais très frappée parce que vous citez, ou un article de du volume le cite, Delacroix. Ah oui. Delacroix est outré parce qu'on veut repeindre la cathédrale de Reims. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on trouve aujourd'hui. Hein, oui. Rendre aux églises romanes les couleurs qu'elles avaient. Et Delacroix dit, il faut les laisser dans le temps qui les a faites. Mmh. C'est-à-dire ne plus changer leurs couleurs, parce qu'au fond, nous avons incorporé l'image des cathédrales sans couleurs. Oui. Je trouve ça formidable. Vous savez, il y a un très beau texte aussi de Degas, que j'ai découvert récemment. Daniel Halévy rapporte ses conversations avec Degas. Et Degas est furieux des restaurations de certains tableaux au Louvre. Et il a cette phrase superbe, mais restaurer un tableau, mais c'est une folie, il faut que le temps lui marche dessus. Et Delacroix est d'ailleurs convaincu que sa peinture est provisoire. C'est-à-dire, c'est admettre la non-pérennité des œuvres. Et c'est un problème très important parce que l'idée de pérennité, qui est au fond, si on y réfléchit, le maintien dans le temps du couple de la forme et de la matière, hein, c'est comme ça qu'on conçoit la pérennité des œuvres, est une fixation historique occidentale qui date du 19e siècle, c'est une création du 19e siècle, et qui n'a rien d'universel. Et d'ailleurs, le patrimoine culturel immatériel, ça consiste à dire quoi ? Ben, il est inutile de chercher à maintenir les œuvres dans un état absolument stable, immobile. Elles changent. Elles changent nécessairement. Et en réalité, ce qui est important, c'est de maintenir les savoirs. C'est de maintenir les savoirs. C'est-à-dire, si on a des tailleurs de pierre capable de remonter un arc de Notre-Dame de Paris, la pérennité est assurée. La pérennité est dans l'homme, elle n'est pas dans les œuvres. Et ça, plusieurs grands artistes du 19e siècle en étaient convaincus. Et le pensaient tout à fait. Ah, oui. Taline, termination, votre livre foisonne d'exemples. Et en même temps de pays. Vous nous faites parcourir, évidemment, un grand espace. Quels exemples auriez-vous envie de citer ? Il y en a beaucoup. Bah écoutez, oui, il y en a beaucoup. Certains traitent il est question du Caucase, de la restauration d'un temple supposément hellénistique qui s'avère être finalement un temple romain qui a subi une opération d'anastylose justement dans les années 1970. Oui, Arménie. En Arménie, voilà. C'est ce que vous étudiez, vous, particulièrement. Oui, c'est ce que j'ai étudié. Le temple de Garnier. Voilà. Et qui correspond donc, là, ce que j'étudie, ce sont les contextes, non pas des monuments en eux-mêmes, mais les contextes de restauration. Et ce qu'on constate, c'est qu'en effet, les années 60-70, dont vous parlez de Pompidou tout à l'heure, mais les années 60-70-80 sont une période tout à fait passionnante en URSS, où on se met à la fois, donc, effectivement, à restaurer. Donc, il y a d'autres exemples, l'exemple du Régistan à Samarcande. Il est également en question de la restauration d'une église telle que Soultzimmer. Enfin, on redécouvre les monuments, on les restaure, donc avec peut-être des techniques contestables, en tout cas très outrées, comme je l'ai dit, puisque l'intention est de remettre les monuments dans leur état neuf en et l'état, comme on dit, originel. Oui. Et donc, on peut dire que dans cette période qui correspond à l'URSS de Brejnev, on est en pleine période de renaissance nationale. Et ça correspond donc à quelque chose de tout à fait profond, parce qu'en réalité, on voit que l'URSS est déjà, à ce moment-là, au moins dans la partie du Caucase que j'étudie, travaillée par les mouvements nationaux qui vont éclater au grand jour deux décennies plus tard. Et qui conduisent, finalement vers ce processus d'éclatement. Donc ces années 70-80 sont très intéressantes pour ça. Il y a aussi l'éclosion de toute une école d'architecture moderne ou moderniste qui est tout à fait originale. Certains emploient d'ailleurs le terme de post-moderne, c'est aussi traité dans cet ouvrage, et qui est justement contemporaine de ces opérations de restauration des monuments historiques. Donc il y a une espèce de dialogue absolument permanent entre les formes du passé, les formes du présent. L'ouvrage essaye de montrer ces interactions. C'est évidemment une collection tout à fait éclectique et débouche sur des problèmes d'architecture d'aujourd'hui. Oui, oui, oui. Il y a un article que j'aime beaucoup, c'est autre chose d'ailleurs, sur le domaine Galitzine. Oui, alors bon, le domaine. Ça touche à la pouchkinisation. Oui, comme le domaine vous dites, Galitzine, c'est l'histoire d'une trajectoire patrimoniale d'un domaine de la noblesse russe qui est celui d'une grande famille, celui des Galitzine. Et donc, la contribution d'Alexandra, qui est l'une des descendantes de l'une des branches de cette grande famille, consiste à traiter de ce domaine de Vyazome qui se trouve dans les environs de Moscou, qui donc, bien entendu, après la Révolution, est l'objet de vandalisme post-révolutionnaire, bien entendu, puisqu'il s'agit d'un domaine de noble, et qui donc, au fil des décennies, va connaître un certain nombre de mutations. Après la Seconde Guerre mondiale, parce que la période qui suit la Seconde Guerre mondiale est une période de restauration très intense, notamment des domaines patrimoniaux de la noblesse. Mais bien entendu, on ne peut pas les présenter comme étant le domaine des Galitzine. Donc, une série de nouvelles opérations de mutation vont conduire à finalement récupérer ce domaine dans l'imaginaire patriotique russe, et donc il se pushkinise au prétexte que Pushkin a résidé à quelques kilomètres de là dans une autre résidence, y aurait passé quelques temps, enfin bref. Donc de cette manière-là, on élimine les occupants, les occupants légitimes, enfin les derniers occupants, les derniers propriétaires, on va dire, et donc le domaine est ainsi récupéré d'une autre manière, comme appartenant bien sûr au patrimoine littéraire russe. Donc c'est bien sûr tout à fait différent. C'est très très intéressant. Enfin, j'ai probablement pas mentionné toutes les opérations par lesquelles ce domaine est passé. C'est tout à fait témoin en quelque sorte. Alors il y a beaucoup d'autres choses sur les arbres, par exemple, le patrimoine des arbres et de la végétation. Et puis aussi des chapitres sur la capitale du Kazakhstan. Qui est un espace Astana, particulièrement intéressant. Et puis aussi sur les Moscobourgeois. Oui. Alors, peut-être. Les Moscobourgeois qui sont cette catégorie sociale identifiée par Jean-Robert Ravio, cette catégorie de la population qui a manifesté justement de façon massive dans les rues de Moscou et de Saint-Pétersbourg l'année dernière, et qui donc manifeste un nouveau rapport au patrimoine urbain. Juste deux mots, par exemple, il y a eu en effet à Saint-Pétersbourg des mobilisations patrimoniales contre la construction de la tour Gazprom. Il y avait un projet de construction d'une immense tour en Union soviétique. On est dans les territoires post-soviétiques, on est pris de cette fièvre de construction des grandes tours. Et donc il y a eu une mobilisation tout à fait importante contre la construction de cette tour qui risquait bien sûr de modifier la skyline de Saint-Pétersbourg. Pour Moscou, bien sûr, d'autres exemples sont mentionnés. Il y a aussi un très bel article, mais on ne peut pas en parler, on n'a pas le temps, sur le palais de Ceausescu. Ça, vous en parlez beaucoup. Je voudrais vous remercier tous les deux. Rappelez les titres de vos livres. Daniel Fabre, Émotion patrimoniale, et c'est paru aux éditions de la Maison des sciences de l'homme en 2013, ouvrage collectif que vous avez dirigé. Tallinn, Termination, Patrimoine et architecture dans les États post-soviétiques, et c'est paru aux Presses universitaires de Rennes. C'était les lundis de l'histoire, présentés aujourd'hui par Michel Perrault, avec Taline Termination et Daniel Fabre. La prise de son est assurée par Philippe Palares, la réalisation par Ghislaine David. La semaine prochaine, les lundis de l'histoire seront présentés par Roger Chartier. Et dans quelques instants, c'est pas la peine de crier, par Marie Richeux. Au revoir.